بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous allons commencer sans plus attendre. On va continuer sur notre étude des histoires tirées du Coran. Et en l'occurrence, on est toujours sur l'histoire du grand et noble prophète Ibrahim, alayhi salam. Et donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et ses faveurs, car c'est un honneur pour tout croyant de parler justement, de méditer sur les histoires des prophètes et des messagers, de ces hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus pour transmettre sa révélation. Donc le fait d'apprendre la vie et de lire dans la vie, de méditer les versets révélés concernant la vie de prophètes et de messagers d'envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour les croyants de justement méditer ces histoires. Surtout que lorsque ces prophètes sont des grands prophètes, à l'image de ce prophète et messager Ibrahim alayhi salam, qui a eu une grande d'éloge de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a bénéficié de l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Et là, à travers la mention d'événements et de faits qui se sont produits dans la vie du prophète Ibrahim, alayhi salam, on se rend compte du rang et du degré de Ibrahim et du sens lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit à son sujet « Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan » On se rend compte là vraiment de cet éloge et de cette description du prophète Ibrahim lorsqu'il est dit dans le verset dans le Coran où Allah Jalla wa'ala nous dit à son sujet kana ummatan, que Ibrahim il était à lui seul une umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin, comme on l'avait explicité cela dans des assises précédentes. Et donc on avait dit que dans le Coran, comme l'expliquent beaucoup de mufassiroun, de spécialistes, d'exégèses, Allah Jalla wa Ala a mentionné 25 prophètes lorsque on médite le Coran. Alors qu'on avait dit qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé énormément de prophètes et de messagers. Énormément de prophètes et de messagers. Sauf que dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl » et des messagers, nous t'avons raconté leurs histoires. Des messagers qui sont venus avant, dans des temps anciens. Qad qasasnahum alayk. Allah dit au prophète, nous t'avons certes raconté leur histoire. Wa rusulan lam naqsushum alayk. Wa kallama Allah Musa taklima. Par contre, d'autres messagers dont Allah Jalla wa Ala n'a pas raconté leur histoire. Donc, c'est pour cela que, comme on l'avait explicité dans les fois dernières, il y a des prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Et ceux qui sont mentionnés, ceux dont Allah Jalla wa Ala nous a informés à leur sujet, il y en a dont Allah Jalla wa Ala nous a informés à leur sujet, nous a informés de certaines choses en détail de leur vie, et d'autres où on a peut-être parfois juste la mention du nom sans que des détails particuliers dans leur vie soient mentionnés et cités dans le Coran. Donc ça, c'est en ce qui concerne des prophètes et messagers qui sont mentionnés dans le Coran. En l'occurrence, Ibrahim alayhi salam, lui, fait partie de ceux où, dans le Coran, il y a de nombreux événements qui sont mentionnés, il y a des passages dans le Coran qui nous, justement, nous enseignent au sujet de nombreux passages et faits et événements de la vie de Ibrahim. Donc on a des détails sur la vie de Ibrahim alayhi salam, comme par exemple pour le prophète Moussa alayhi salam. Pour le prophète Moussa, il y a de nombreux détails dans le Coran, que ce soit sa naissance, que ce soit concernant son enfance, que ce soit ensuite lorsqu'il devint prophète, que ce soit les épreuves qu'il a subies avec Pharaon, que ce soit son appel envers son peuple, que ce soit les épreuves qu'ils ont subies, lui et son peuple, avec Pharaon, et comment Allah subhanahu wa ta'ala ensuite les a sauvés, les a fait triompher et leur a donné le succès, comment Allah Jalla wa Ala leur a accordé assistance. On voit l'épisode aussi du mariage de Moussa alayhi as-salam, Moussa aussi lorsqu'il a reçu les tablettes. On a les détails lorsque son peuple, il y a eu cet épisode, cet événement malheureux lorsqu'ils ont adoré le veau alors qu'ils étaient restés en compagnie de Haroun, et cela pendant l'absence de Moussa. Donc vous avez eu par rapport au prophète Moussa alayhi salam, on a des détails à son sujet qui sont mentionnés et cités dans le Coran. On revient à notre histoire avec Ibrahim alayhi salam. Ainsi, on avait mentionné dans la fois dernière, plutôt, on avait mentionné que Ibrahim alayhi salam avait vécu cette épreuve, cet événement terrible lorsque son peuple l'ont jeté dans le feu. Donc on avait mentionné cet événement qui était une épreuve terrible pour Ibrahim, et de là on avait tiré des leçons à cet événement, comment Ibrahim s'en est remis véritablement et complètement et entièrement à son Seigneur. Et c'est pour ça qu'on voit que Ibrahim, lorsqu'il nous est dit dans le Coran que c'était un exemple, c'est réellement et véritablement un exemple pour toutes les générations qui viendront. Tous les croyants doivent connaître l'histoire de Ibrahim. Et c'est une nécessité. Pourquoi ? Puisqu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran que Ibrahim était un exemple, un modèle à suivre. Et on a en Ibrahim un bon exemple et un modèle à suivre. C'est pour cela qu'il faille connaître justement les détails de la vie de Ibrahim. Et là, on voit les raisons pour lesquelles justement Ibrahim est un exemple et un modèle à suivre, et cela pour toutes les générations de croyants qui viendront. Et aussi, Ibrahim, alayhi salam, est celui aussi dont sa voix, dont sa religion doit être suivie par tout le monde après lui. C'est pour cela que la voix de Ibrahim, comme on l'avait dit, c'est Al-Hanifiyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait même ordonné au prophète Mohammed de suivre la voix de Ibrahim. Donc c'est un commandement pour tous les croyants de suivre la voix de Ibrahim alayhi as-salam. Et donc Ibrahim, lorsqu'il fut face à cette épreuve, lorsqu'il fut jeté dans le feu, donc son peuple a voulu le punir. Donc on avait appris que Ibrahim était seul face à son peuple qui était idolâtre, qui s'adonnait à l'adoration de faux dieux, de fausses divinités. Alors lorsqu'il a cassé ces fausses divinités, alors ils ont décidé de le châtier et de le punir en le jetant dans le feu. Et lui, malgré cette épreuve, il n'a pas perdu confiance. Il était en quelque sorte voué corps et âme à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il était sur une certitude, il avait une croyance tellement ferme que même face à cette épreuve, il n'a pas baissé les bras, il n'a pas dévié de sa voie et il n'a pas fait preuve de faiblesse. Alors, ils le jetèrent dans le feu, et ensuite on avait expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait sauvé. Il s'en est mis et remis complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il nous a mentionné, lors de ce fait, Ibrahim, comme il est mentionné dans le verset, était un jeune garçon, c'était un jeune homme. Malgré cela, ils l'ont jeté dans le feu et tout son peuple était réuni contre lui. Donc il était seul face à son peuple et Allah Jalla wa Ala a fait que ce feu n'a pas brûlé Ibrahim alayhi salam. Donc il a eu la protection de son Seigneur. Ensuite, les exégèses, les spécialistes, les mufassirun, ont différentes interprétations concernant le verset. Concernant le verset, où Allah, Jalla wa Ala, dit au feu, Kuni, bardan wa salaman, ala Ibrahim. Allah a ordonné au feu d'être bardan, froid et paix. Paix pour Ibrahim. Alors certains savants ont expliqué que cela s'est fait lorsque le feu a perdu ses propriétés. Allah, Jalla wa Ala, a fait dissiper, a enlevé les propriétés, a ôté les propriétés du feu. Et vous savez que le feu, parmi ses propriétés, le fait qu'il soit intensément brûlant et le fait qu'il brûle donc. La chaleur intense du feu fait partie des propriétés de ce feu et aussi le fait que ce feu brûle. Donc, certains spécialistes, exégèses, nous disent que Allah Jalla a ôté justement les propriétés du feu, a décrété cela, que le feu ne soit plus brûlant. Et donc, il perd cette propriété de chaleur intense. Et pour cela, Allah Jalla a épargné et a sauvé Ibrahim alayhi salam. Certains savants ont interprété en disant que le feu est resté, a gardé plutôt ses propriétés, est resté chaud et brûlant, sauf que Allah, Jalla wa Ala, a fait que cette chaleur intense du feu et ses propriétés hein, particulières au feu, le fait que le feu brûle, ne touche pas Ibrahim alayhi salam. Donc le feu, certains exégèses disent en expliquant le verset, ils disent que le feu a gardé ses propriétés, sauf que quand Ibrahim, lorsque Ibrahim fut jeté dans ce feu, malgré qu'il était toujours brûlant, il y avait toujours cette chaleur intense, mais Allah Jalla Wala a fait que Ibrahim ne soit pas touché par cette chaleur intense et ne subisse pas justement cela. Ainsi, Allah a décrété que ce feu ne touche pas Ibrahim, que ce feu ne brûle pas Ibrahim alayhi salam, et donc que ce feu soit paix. Soit paix pour Ibrahim, et donc froid et paix pour Ibrahim alayhi salam. Par contre, les savants qui interprètent le verset de cette manière sont d'avis donc, ils expliquent que ce feu, par contre, pour autre que Ibrahim, était et restait brûlant. Il avait toujours ses propriétés. De sorte que si des gens de la foule qui étaient autour du feu venaient à s'approcher du feu ou rentrer ou toucher le feu, alors il aurait été brûlé. Alors, autre que Ibrahim aurait été brûlé. Sauf qu'il y a eu une exception. Allah Jalla wa Ala avait décrété et ordonné à ce feu d'être paix pour Ibrahim alayhi salam. Donc, ça, c'est des interprétations, différentes interprétations qui ont été données, que vous pouvez retrouver dans les livres d'exégèse. L'important ici, c'est que Ibrahim ensuite a été sauvé. Et donc, ce fut une épreuve pour Ibrahim alayhi salam, comme Allah Jalla wa Ala nous relate cela dans ces passages du Coran qu'on avait lus la fois dernière. Et c'est pour cela qu'il nous est même parmi les leçons à tirer de cela, comme il nous a rapporté dans un récit, c'est pour cela qu'aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les raisons, ordonna les croyants de tuer le lézard. Vous avez vu ces lézards qui souvent pénètrent dans les maisons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que celui qui tue un lézard du premier coup aura 100 hasanats. Il a 100 hasanats. Et on a d'ailleurs justement un récit qui dit que alors que les animaux faisaient tout pour éteindre ce feu pour pas qu'Ibrahim alayhi salam soit touché par ce feu, lui, le lézard soufflait sur le feu pour l'attiser, comme c'est mentionné dans un hadith du prophète qui est rapporté dans l'authentique. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم رحمه الله عليه الصلاة والسلام. Et c'est pour ça que dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, lui-même il rapporte que le prophète Hassan ordonnait de tuer al-Wazar, le lézard, car il soufflait à Ibrahim alayhi salam. Et aussi, il nous est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, d'après Saïba, Mawla l'Al-Fakiha ibn al-Mughira, qui était la franchise de Al-Fakiha ibn al-Mughira. Elle disait un jour, cette femme affranchie Saïba, a dit qu'un jour elle est rentrée d'Ahalat ala Aïcha. فرأيت في بيتها رمحا موضوعا فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ فقالت هو لهذه الأوزار نقتلهن به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفي النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله كما في المسند. Et donc dans cette histoire, dans ce récit qui est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed, Saïba dit qu'un jour elle est rentrée chez Aïcha et elle a vu dans la maison de Aïcha une sorte de lance, une lance qui était posée. Alors elle dit, ô mère des croyants, qu'est-ce que vous faites avec cette lance? Alors Aïcha lui a répondu, Qalat, Hualihadihil Aouzar, c'est pour les lézards que nous tuons, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a raconté que Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il fut jeté dans le feu, Lam takun fil ardi dabbatun illa tutfi an-nar. Il n'y avait pas sur terre une bête sans qu'elle s'efforçait d'éteindre le feu, sauf le lézard qui soufflait sur le feu. Et donc a dit, le prophète nous a ordonné de le tuer. Et ça s'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Parmi les événements dont on avait fait allusion la fois dernière aussi, lorsque Ibrahim a entrepris ce voyage, alors qu'il était en compagnie de sa femme Sarah, et lorsqu'il est rentré donc justement dans cette terre d'Égypte, à l'époque, on avait dit qu'il y avait un roi tyran et justement qui s'accaparait des femmes des hommes. Donc lorsqu'un homme rentrait en cette terre, hein, qui était dirigée par ce roi tyran, et despote, hein, ce roi injuste, alors lui, il prenait les femmes des hommes. Ainsi, il prenait les femmes de ces hommes qui rentraient en cette terre, et donc il attentait à leur pudeur, comme on l'avait dit. Donc il prenait ces femmes, et ensuite. Donc il prenait ces femmes, les mettait à son service, et il s'adonnait à la violation de ces femmes. Donc, ils violaient ces femmes à leur insu. Et donc, pour cela, ce fut une épreuve terrible. Lorsque lui, Ibrahim, alors pénétra dans cette terre, alors ils ont pris son épouse Sarah, et donc lui avait dit que c'était sa sœur, et c'était tous deux étaient les seuls croyants, comme on avait dit, à l'époque en Égypte. Et pour cela, elle aussi, elle dit que c'était son frère. Et on avait raconté cet épisode, ce fait, lorsqu'il essaya, ce tyran et ce roi injuste, de s'approcher de Sarah, elle invoqua son Seigneur et il se paralysa. Il fut paralysé et à chaque fois, il disait à Sarah de réinvoquer son Seigneur pour qu'il soit sauvé de cette paralysie. Et il est rapporté, certains spécialistes, certains historiens rapportent qu'avant, elle avait fait ses ablutions, elle avait prié. Elle avait fait ses ablutions et elle avait prié, comme le rapportent certains dans certaines versions. Et donc, regardez, on a vu dans cet épisode-là, dans ce fait-là, comment elle s'en est remise à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que Ibrahim, de son côté, alors qu'il était en dehors du qasr, du palais, de ce roi injuste, lui aussi, il s'était mis à prier Allah subhanahu wa ta'ala pour le sauver de cette épreuve et de cette tourmente, et Allah jalla wa ala les a sauvés. Et de ce fait, cet événement est très important. Pourquoi? Car de là, ils repartiront avec Hajar. Avec Hajar. Et Hajar, comme on l'avait mentionné, et comme le mentionnent les historiens, donc ensuite, lorsque ce roi injuste ensuite fut touché, et atteint par les invocations de Sarah et paralysé. Donc à la fin, au bout de 3 fois, il a demandé à Sarah d'invoquer son Seigneur. Et ensuite, pour se débarrasser d'elle, il lui a donné une servante. Il lui a donné une servante, et cette servante, c'était Hajar. Donc il a mis cette servante à sa disposition, et ensuite il lui a ordonné de partir. Et donc, Sarah, l'épouse de Ibrahim alayhissalam, fut sauvée. Et en plus de cela, elle repartit avec une servante qui était Hajar et qui fut à la disposition de Sarah, l'épouse d'Ibrahim, alayhi as-salam. Et donc, on tire comme leçon dans cette histoire de nombreuses leçons qu'on ne pourra pas tous énumérer parce que ça serait long, mais vraiment la pleine confiance et l'entière confiance qu'avaient Ibrahim et son épouse. Ibrahim et son épouse envers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et on voit le fait qu'ils s'en sont remis à lui, ils n'ont pas eu d'hésitation face à cette épreuve très difficile d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ça, c'est un exemple et un modèle pour tous les croyants. Lorsque on est touché par une épreuve, alors s'en remettre complètement à Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'invoquer. Surtout lorsqu'on a fait toutes les causes. Surtout lorsque la personne a fait toutes les causes. Tout ce qui était en son pouvoir, en ses capacités, mais ensuite, pardon, ensuite le serviteur se retrouve impuissant. dans l'incapacité. Et là, il voit qu'il ne peut plus rien faire. Il a fait toutes les causes qui étaient en son pouvoir, dans ses capacités, dans les mesures de ses capacités. Et là, il voit il devient impuissant. Il est incapable. Alors là, il s'en remet complètement à Allah, Jalla. Et là, on a eu un modèle de patience et d'endurance. Et cela se fait à travers la prière, de rechercher le soutien et l'assistance d'Allah à travers la prière, à travers les invocations, comme l'a fait Sarra, alayhi salam, qu'Allah lui accorde la paix. Parmi les enseignements, les grands enseignements, les savants nous enseignent à travers cette histoire et cet événement que parfois, il y a une chose, Allah a décrété une chose, et nous, on n'en a pas la connaissance de cela. On ne connaît pas les sagesses. Mais Allah, Jalla wa'ala, lorsqu'il décrète, cela est accompagné de sagesses immenses et infinies et qui nous sont souvent pour nous inconnues. Car notre conception des choses à nous est limitée. Et notre imagination et notre intelligence et notre raison est limitée à nous. Mais parfois, Allah, subhanahu wa ta'ala, décrète des choses alors que nous, on n'en connaît pas les sagesses, mais il y a d'énormes et de grandes sagesses en cela. Et parfois aussi cela à travers des épreuves. Donc une personne, parfois, elle est touchée par une épreuve, il est affligé, atteint par une épreuve, et il ne sait pas qu'à travers cette épreuve découlera de cela quelque chose, une affaire grande et immense, qu'Allah, Jalla wa'ala, a décrété. Donc souvent, on ne sait pas, en résumé, où est le bien. On ne sait pas souvent où est le bien. Et souvent aussi, on ne sait pas justement qu'est-ce qui va découler justement de certaines épreuves et de certains faits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui sait, car c'est lui qui a tout prédestiné, tout décrété. C'est pour cela qu'il incombe aux croyants de s'en remettre à lui. À titre d'exemple, regardez. Sarah, après cette épreuve, repart avec une servante. Donc elle a cette femme, Hajar, qui était à son service. C'est pour cela qu'ensuite, lorsqu'ils reviendront, ensuite, lorsqu'ils iront en Palestine, et on a dit que Ibrahim alayhis-salam vivra avec sa femme Sarah en Palestine, et donc ils auront aussi à leur service Hajar. Et Hajar sera au service de Sarah, comme on l'a dit précédemment. Et certains spécialistes, hein, exégèses, certains historiens ont parlé sur la raison. On expliquait un peu, on essayait de chercher sur les raisons pour lesquelles ce roi avait offert à Sarah cette servante. Alors certains ont dit qu'il voulait se débarrasser de Sarah, et pour se débarrasser d'elle, qu'elle avait invoqué contre lui, et lui ensuite était devenu paralysé. Il se paralysait, il ne pouvait pas s'approcher de Sarah. Donc il est rapporté dans certains faits, dans certaines versions, ensuite qu'il a vu en elle une diable. Et il a pris peur. Et donc ensuite, pour se débarrasser d'elle, il lui a donné cette servante. Certains relatent cela, qu'il a pris peur, donc il lui a donné cette servante. Donc on t'expliquait, ça pourrait être peut-être, Wallahu a'lam, et seul Allah en a la connaissance, peut-être qu'il lui a donné cela, car lorsqu'il a vu Sarah, et Sarah était connue pour sa beauté, était connue pour sa beauté, et lorsqu'il a vu Sarah, Satan dit, peut-être qu'il a vu en elle une femme qui devait être servie par une servante, que c'était une femme qui méritait d'avoir une servante, et donc il lui fut donné cette servante, Wallahu a'lam, sur les réelles causes pour laquelle ce roi injuste a donné Hajar à Sarah. Mais dans tous les cas, on voit qu'ensuite, ça va être le début d'une histoire exceptionnelle. En effet, cette servante qui fut donnée, qui fut au service de Sarah, deviendra l'ancêtre du prophète, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Puisqu'elle sera mère, regardez, cette femme égyptienne venant d'Égypte, qui était au service au début de la femme de l'épouse de Ibrahim, deviendra la mère d'un prophète messager, Ismaïl alayhi salam, et elle deviendra l'épouse de ce grand prophète et messager, Khalilullah, Khalil ar-Rahman, l'épouse de Ibrahim alayhi salam, et elle sera la cause, elle va lui donner son premier enfant, Ismaïl alayhi salam. Donc regardez cette histoire exceptionnelle. Parfois il y a une épreuve, on ne sait pas le bien qu'il y a en cela, mais Allah, Jalla wa Ala, parfois décrète des choses dont on n'en a pas la connaissance, mais on trouve en ces choses des sagesses immenses. Et donc, Hajar va jouer un rôle pour les générations, un rôle exceptionnel. Et vraiment pour toutes les générations suivantes, regardez, de croyants, elle sera le modèle, par exemple, à suivre dans le pèlerinage. Et on verra que lorsqu'on fait Safa ou le Marwa, que ce soit pour le grand pèlerinage ou pour le petit pèlerinage, lorsqu'on vient accomplir ce pèlerinage à la Mecque, alors on suit les rites sont basés sur les faits et gestes, sur ce qu'avait fait Hajar lorsque Ibrahim alayhissalam l'avait installé et posé à la Mecque. En l'occurrence, il y a ce fait très exceptionnel, cette histoire. Lorsque Ibrahim alayhissalam, ensuite, de Palestine, lorsque Ibrahim ensuite a eu un enfant. Donc Hajar, on avait dit, était au service de Ibrahim et de Sarah. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ensuite, elle a offert Hajar à son mari, à son époux Ibrahim. Et Ibrahim se maria avec elle. Et de là, il eut un enfant. Et pour des causes qui sont mentionnées, qu'on peut pour retrouver, pour différentes causes, ensuite, Ibrahim a eu une révélation. Et donc, il a pris son épouse, ainsi que le bébé, et les a posés dans une autre terre. Donc il a voyagé, il a fait ce voyage, il a eu une révélation qu'il devait prendre Hajar et son enfant vers une autre région du monde, vers une autre contrée. Et de là, on a un passage dans le Coran qui fait allusion à cela. Lorsque Ibrahim donc va voyager, va partir de Palestine pour aller vers la péninsule arabique. Donc il ira à la Mecque. À la Mecque. Mais à l'époque, la Mecque était une terre désertique, était une terre où il n'y avait aucun habitant, pas d'eau, pas d'habitants, pas de végétation, il n'y avait rien. Rien, mais Ibrahim avait reçu une révélation, il devait laisser Hajar. Donc c'est pour ça qu'on a dit Hajar ensuite va jouer un rôle exceptionnel. Et donc il devait la laisser en cette terre. Fi ou biwadin ghayri dhi zar'a. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Et donc, dans le verset du Coran, cette terre nous est décrite. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ. بِوَاد, c'était un wad, غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. Et donc Ibrahim, Allah Jalwala nous informe au sujet de l'invocation de Ibrahim, et donc il y a la description de cette terre. Lorsque dans le verset, Allah nous dit au sujet d'Ibrahim, qui dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Dans une traduction rapprochée, Ibrahim dit: Ô Seigneur, j'ai installé une partie de mes descendants dans une vallée sans culture. Donc regardez comment elle est décrite, cette terre, dans une vallée sans culture, auprès de ton oratoire sacré, fi baytika al-muharram, c'est-à-dire auprès du temple sacré. Et justement, il s'agit de la Kaaba, auprès de baytika al-muharram, la maison antique, al-Kaaba. Afin qu'ils puissent accomplir la salat, Seigneur, dispose en leur faveur les cœurs d'un certain nombre d'hommes, veille à leur procurer des fruits pour leur subsistance, peut-être seront-ils reconnaissants. Donc regardez, Allah Jalla wa'ala avait ordonné à Ibrahim justement de poser Hajar, de poser son enfant en cette terre-là. Et cette terre-là, donc, c'était une vallée sans culture. Sans culture. Une terre désertique. Comme on l'a dit, il n'y avait pas d'habitants. C'était une vallée stérile du Hijaz. Et donc, il n'y avait personne à l'époque. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de végétation. C'était aride. Rien pour vivre en cette terre. Et là, regardez, Ibrahim pose quand même son épouse et son enfant en cette terre. Pourquoi? Parce qu'il avait une révélation. C'était l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Hajar, lorsqu'il est rapporté dans l'histoire, lorsqu'elle vit justement cela, elle demanda à Ibrahim ensuite: est-ce que c'est l'ordre de ton Seigneur? Et il répondit: oui. Alors il les a laissés à cet endroit. Il les a laissés à cet endroit. Il est rapporté qu'ensuite il retourna vers ensuite la Palestine. Et donc il est rapporté que lorsqu'elle est restée seule Et en ayant épuisé toute l'eau qu'il y avait dans son outre, Hajar se mit donc à courir entre les deux collines, Safa wa al-Marwa. Safa wa al-Marwa. Pourquoi? Puisqu'ensuite, elle cherchait justement à boire pour elle et pour l'enfant, car son enfant, le bébé, Ismaïl, pleurait. Pleurait parce qu'il était en quelque sorte tiraillé par la soif. Et c'est de là que l'histoire ensuite rapporte qu'il y a eu l'apparition de Jibril, alayhi salam, qui tapa de son aile la source de Zemzem, et la source de Zemzem jaillit. Et la source de Zemzem a jailli. Et donc ensuite, il a eu cette eau bénite, Zemzem, et donc c'est en résumé de l'histoire. Et ensuite, lorsqu'elle eut de l'eau, et donc lorsqu'elle a pu abreuver son enfant, plus tard ensuite est arrivée une tribu, la tribu de Jorhom, et ensuite ils vivront avec eux, ils demanderont la permission à Hajar de s'installer avec eux, et en quelque sorte, Ismaïl sera adopté par cette tribu, et donc il apprendra l'arabe avec eux, et il apprendra beaucoup de choses avec eux. Et il fera partie ensuite des élites de ses habitants, puisqu'ensuite il les appellera justement à la religion de son père Ibrahim, alayhi salam. Observez l'invocation de Ibrahim lorsqu'il les a posés en cette terre. Il dit, Rabbana li yuqimu salah. Ô Seigneur, pour qu'ils puissent accomplir la prière, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Ô Seigneur, regardez l'invocation de Ibrahim. Cette invocation qui était immense. Ô Seigneur, fais que le cœur de certains parmi les hommes, fais-le que le cœur, hein, Seigneur, dispose en leur faveur les cœurs de certains nombreux d'hommes. C'est-à-dire que les cœurs soient attirés vers cet endroit. Et ensuite, il dit, Warazokuhum mina thamarat. Et accorde-leur des fruits, accorde-leur des fruits. La'allahum yashkurun, peut-être qu'ils seront reconnaissants. Et de là, on peut s'imaginer et on comprend que ça va être le début d'une grande histoire qui va marquer l'humanité, qui va marquer toutes les générations prochaines. Donc, à l'installation de cette femme dans cette terre aride, désertique, où il n'y a pas d'habitants, ensuite, comme on l'a dit précédemment, il y aura justement la source de Zemzem qui va jaillir. Imaginez-vous donc, je vous laisse réfléchir, depuis l'époque, la source de Zemzem ne cesse de profiter aux hommes, ne cesse de profiter, et les gens boivent de cette eau bénite qui est Zemzem. Et donc, cette source a jailli à l'époque lorsque Ibrahim, lorsque l'ange Jibril, alayhi salam, avait frappé de son aile et avait fait surgir, justement, comme il est rapporté dans l'histoire, cette source de Zemzem. Et depuis, regardez, Zemzem, les gens, lorsqu'ils accomplissent la visite de la maison sacrée, lorsqu'ils accomplissent le pèlerinage, et les habitants aussi de la cité sainte, hein, de la Mecque, tout le monde profite de cette eau de Zemzem. Et donc, sa source a jailli à l'époque avec Hajar, et regardez cette bénédiction. Ensuite, donc, à l'époque de Hajar, la tribu de Jorhom est venue s'installer, et donc là, elle commençait à avoir des habitants, et les gens ensuite commençaient à affluer dans cette terre sainte et sacrée qui était la Mecque. Donc, ça sera le début d'une immense histoire, donc, qui va marquer l'humanité. التي يجب علينا أن نتأملها ونتدبر هذه الفوائد وهذه القصة كما رويت في كتاب الله عز وجل. Pour ça, il faut méditer cela. Regardez, Ibrahim n'a pas eu d'hésitation lorsqu'il a eu cette révélation et cet ordre de son Seigneur, ce commandement, de poser son épouse et l'enfant en cette terre, qui était, comme on l'a décrite tout à l'heure, sans culture, sans habitants, une terre aride et désertique, sans qu'il y ait de végétation, sans qu'il y ait de choses qui permettent à une personne de vivre. Malgré cela, il les a posées, et regardez ensuite, ça a été le début, comme on l'a dit précédemment, d'une histoire immense. Et plus tard, alors que Ismaïl, et regardez ça fait partie de la confiance parmi les choses à déduire de cette histoire, regardez la pleine confiance qu'avait Ibrahim envers son Seigneur, ainsi que Hajar. Lorsqu'elle a su que c'était l'ordre du Seigneur, alors elle s'est soumise à cela. elle s'est soumise à cela. Et lui, lorsqu'il a su aussi que c'était l'ordre, c'était la révélation, le commandement de son Seigneur, il n'a pas hésité et il a posé sa famille en cet endroit. Et plus tard, on a un autre événement vraiment, vraiment qui va prouver, hein, qui va prouver le niveau, le degré de foi, de iman qu'avait Ibrahim alayhi salam et de soumission à son Seigneur. C'est pour ça que ce sont des événements et des faits qui sont exceptionnels, vraiment à méditer. Et on comprend pourquoi il a été décrit dans le Coran comme étant une umma, une nation à lui seul, Ibrahim alayhi salam, un exemple pour toutes les générations qui viendront ensuite. Plus tard, l'enfant Ismaël grandira. Il grandira. Et là, Ibrahim verra en songe, verra dans un rêve qu'il doit immoler son enfant, qu'il immole Ismaël. Et comme vous savez, comme il nous est dit dans des récits, les songes et les rêves des prophètes sont véridiques. Ce sont des rêves qui sont véridiques. Et donc, Ibrahim devait exécuter cela. Alors, de Palestine, ensuite, il s'en alla. Il s'en alla, puisque lorsqu'il était installé en Palestine, ensuite, il faisait des allers-retours entre la Palestine et la péninsule arabique, c'est-à-dire et la Mecque. Et la Mecque. Parce qu'il avait Sarra en Palestine et il avait son autre femme, Hajar, avec son enfant Ismaël, qui était à la Mecque, comme on l'a dit précédemment. Donc, il faisait ses voyages. Et donc, là, il s'en alla à la Mecque pour faire part de cela à son enfant Ismaël, alayhi salam. فقال الله عز وجل في القرآن فبشرناه بغلام حليم. Alors qu'Allah dans le Coran nous mentionne, il y a un verset dans le Coran où Allah Jalla wa Ala nous dit qu'ensuite il a annoncé la bonne nouvelle donc d'un enfant doué de sagesse. Donc c'était l'annonce de son enfant Ismaïl. Et donc Ismaïl est décrit dans le Coran comme étant Halim. Comme étant Halim, qu'on pourrait traduire hein, d'une manière relative et rapprochée, comme étant quelqu'un doué de sagesse. Et là ensuite, dans le verset suivant, Allah Jalla wa Ala nous informe que lorsque l'enfant arriva à un âge d'accompagner son père, et il est mentionné dans le verset, « فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Et là, lorsque l'enfant, Ismaïl, puisque la majorité hein, des savants, comme Zakara Zalik Ibn al-Qayyim, les grands savants de notre communauté, la majorité sont d'avis que la vérité sur cette histoire, c'est que c'est l'enfant Ismaïl qui devait être immolé. Et qui est sous-entendu justement dans ces versets. Puisque c'est lui aussi dans d'autres versets qui est décrit comme étant Halim. Et donc, regardez, alors que l'enfant arrive à un âge d'accompagner son père, donc là, c'est un enfant, c'est un âge plutôt où le père s'accroche à l'enfant. Et c'est l'âge où l'enfant, maintenant, peut accompagner son père. Donc, c'est un âge vraiment sensible, c'est un âge où le père s'attache aussi à son enfant et où l'enfant s'attache à son père. Ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est vraiment à un âge où l'enfant, maintenant, peut accompagner son père, comme il est mentionné. Celui-ci lui dit, mon cher fils. Et là, Ibrahim dit à Ismaïl, lorsqu'il arrive à la Mecque, mon cher fils, j'ai vu en songe, en rêve, que je dois t'immoler. Que vois-tu? Alors là, regardez. Ce qui est très impressionnant, c'est que Ibrahim, alayhi salam, il n'a aucune hésitation. Et là, comme on a dit précédemment, l'enfant arrive à un âge qu'il peut accompagner son père. Et donc l'épreuve est encore plus dure. Mais Ibrahim, sans hésitation, alors qu'il a vu ce rêve, il sait que c'est un ordre et un commandement de la part de son Seigneur, il n'a pas d'hésitation. Donc il dit à son fils que j'ai vu en songe que je dois t'immoler, te sacrifier. Alors il dit, « Fanzur mada tara, vois ce que tu vois. » Et donc, il demande l'avis de son enfant, de Ismaïl. Et à l'étonnement, et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que même l'enfant Ismaïl n'a eu aucune hésitation. Il a dit à son père, if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Il dit à son père, fais ce qui t'a été commandé. Ya abati, en s'adressant à son père, il lui dit, qala ya abati, if'al ma tu'mar, fais ce qui a été commandé, ce qui t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Et lui dit, tu me trouveras parmi les patients. Donc regardez, même l'enfant Ismaïl n'a eu aucune hésitation. Et de là, Ibrahim, alayhi salam, a pris son enfant. A pris son enfant, Falamma aslama. Et lorsqu'Allah nous enseigne ensuite dans les versets suivants, et lorsque tous deux étaient soumis, falamma aslama, wa tallahu lil jabin, tous les deux lorsqu'ils étaient résignés à la volonté d'Allah, et déjà le père avait couché son fils par terre. Il avait couché par terre. Et il allait justement, au moment où il allait l'immoler, Allah ensuite appela Ibrahim, nous appela Ibrahim, Allah nous enseigne dans le verset. Tu as ajouté foi à ta vision, c'est ainsi que nous récompenserons ceux qui font le bien. En vérité, ce fut là une bien rude épreuve, comme Allah Jalla dit. Et donc, Allah Jalla dit au sujet de Ibrahim, قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. Tu as certes cru en ce rêve. إن كذلك نجزي المحسنين. Et c'est comme cela que nous récompensons les bienfaisants. Et ensuite Allah Jalla, donc au dernier moment, alors que Ibrahim s'était résigné et s'était soumis à l'ordre d'Allah, ainsi que son fils Ismaïl, alayhi salam, que la paix soit sur tous deux, alors Allah Jalla wa'ala appela Ibrahim. Et donc, c'était un test, et c'était une épreuve qu'il avait passée d'une manière remarquable, il avait répondu et s'était soumis à cette épreuve d'une manière remarquable. Et donc Allah Jalla wa'ala ensuite lui ordonna d'égorger un bélier. D'égorger un bélier, et regardez, et cela sera la tradition d'Ibrahim. Jusqu'à aujourd'hui, cette tradition se perpétue. Et tous les croyants, aujourd'hui, tous les musulmans, lorsqu'ils vont faire le pèlerinage pour le Yom al-Eid, lorsque c'est le Yom al-Eid, Eid al-Adha, le Eid du sacrifice, on immole cette bête, et là, on se rappelle justement de la tradition de Ibrahim et de l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Donc regardez cette soumission. Regardez comment il était entièrement soumis à l'ordre d'Allah. C'est pour cela que là, on se rend compte vraiment de la valeur de ce prophète et quelle est en réalité la véritable soumission à Allah subhanahu wa ta'ala des prophètes et des messagers. ولهذا يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Et c'est pour cela que aussi dans un verset, Allah Jalla wa'ala nous fait référence à ces épreuves qui ont touché Ibrahim et que Ibrahim a vraiment été éprouvé. وإذ ابتلى إبراهيم ربه وَإِذْ إِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ Allah Jalla wa'ala nous dit dans ce verset, et lorsque Ibrahim a été éprouvé, ou plutôt lorsque son Seigneur a éprouvé Ibrahim, بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, par des paroles qu'il a parachevées. Par des paroles qu'il a parachevées, une traduction approchée du verset. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ. Et là, les savants ont divergé sur le sens de kalimat. Donc la traduction du verset rapprochée, littéralement, Allah dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Et lorsque Ibrahim a été éprouvé par son Seigneur par des paroles, فَأَتَمَّهُنَّ, qui ont été parachevées. Les ulama ont dit il a été éprouvé par ses paroles, c'est-à-dire certains ont dit l'épreuve c'était dhabh ibnihi, le sacrifice de son fils. D'autres savants ont dit c'est dans le sens ahadu ash-shara'i', shara'i' al-islam, c'était la législation qui devait transmettre. Donc on dit que ces paroles-là c'était l'amr wa-nahi, l'amr bil ma'ruf wa-nahi 'anil munkar, dont on dit c'était ada ar-risala, le fait de transmettre le message, que cette épreuve était cela. Tous les sens sont mutaqarib, sont proches. Faqala ibn Kathir, lamma waffa ma amarahu Allah jalla wa ala bihi. Lamma waffa ma amarahu bihi rabbuhu min at-takalif al-azima, ja'alahu Allah lin-nasi imaman yaqtaduna bihi. Regardez, Ibn Kathir nous dit, pour terminer, on va se quitter sur cela, il dit lorsque Ibrahim a vraiment passer toutes ces épreuves et ces tests de la part de son Seigneur, et qu'il a vraiment observé tous ces commandements qu'Allah lui a ordonnés et commandés, Asbaha, Allah a fait de lui. Allah a fait de lui, ja'alahu linnasi imaman. Allah a fait un guide pour l'humanité. Allah a fait de lui un guide pour ceux qui viendront ensuite. Et un exemple et un modèle pour les générations prochaines. Wa sa'ala Allah jalla wa ala an takuna hadhihi al-imama muttasilatan bi sababi wa baqiyatan fi nasabi. Et il implore Allah qu'il fasse que justement cette imama continue et perdure et qu'elle soit dans sa descendance aussi. Wa khalidatan fi aqibi et qu'elle soit éternelle celle-ci. Et donc, on voit que celui qui a cette imama là est Ibrahim. Et on comprend ensuite le sens de ce verset. Wa idhi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Et Allah lui dit: certes, je ferai de toi un imam, un guide pour les hommes. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك